Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guimauzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 3 août et nous souhaitons une bonne fête aux Lydies, ça vient du grec qui vient tout simplement de Lydie. D'apparence secrète et réservée, Lydie est sociable et communicative, c'est ainsi que prudente, discrète et sélective, elle ne s'engage jamais à la légère et dans un premier temps demeure sur la défensive. Assez distante, elle possède néanmoins une distinction certaine. Active, entreprenante, elle ressent le besoin de s'affirmer, ce qui ne se fait pas toujours facilement, cela en fonction de son un karmique. Son rythme d'activité n'est pas toujours égal car elle connaît quelques freins dus à des doutes, des incertitudes, des inquiétudes. Pourtant, dans la vie, elle sait assumer ses responsabilités et fait preuve de courage s'il le faut. C'est bien face aux réelles difficultés qu'elle sera efficace, qu'elle prendra les événements en main. Elle montrera alors une autorité insoupçonnée de tous. Soucieuse de son image de marque, elle veut donner l'exemple. Sa sensibilité est forte, bien que le plus souvent indisciplinée, et son humeur est quelque peu fluctuante. Ainsi connaît-elle des phases d'extraversion où, enthousiaste et communicative, elle recherche le contact, suivie de phases d'introversion où, plus sombre, intériorisée et inquiète, elle se reprise sur elle-même et recherche une certaine solitude. Animée par une grande curiosité, elle a de multiples intérêts, notamment pour tout ce qui sort de l'ordinaire. Dicton du jour, tel les trois premiers jours d'août, tel le temps de l'automne, ou le temps qu'il fait le 3, il le fera le mois. Célébration internationale aujourd'hui. Aujourd'hui au Niger, c'est la fête de l'indépendance. Au Venezuela, c'est la fête du drapeau depuis 2006. Et au Brésil, c'est la journée de la capoeira. Ça s'est passé un 3 août en 1492. C'était le départ de Christophe Colomb à bord de la Santa Maria à la recherche d'une nouvelle route vers les Indes orientales par l'ouest. Et on le sait maintenant qu'il fera la découverte du continent américain. Ce, au terme de 2 mois de voyage en mer. 1778, ouverture de la Scala de Milan. 1960, indépendance du Niger. Et 1963, c'était la dernière prestation des Beatles dans le Cavern Club à Liverpool. Allez, première pause musicale avec la chanteuse Tasmin Archer, connue pour son titre Sleeping Satellite, qu'on écoute tout de suite. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's fly. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me, sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance in the rush of the race? The reason we chase is lost in romance, and still we try. The world is so green, then why does it scream under a blue moon? Sleeping Satellite, le titre de Tasmin Archer sur RGM. Un peu plus de 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 3 août 1940, naissance de Martin Sheen, acteur américain, vu dans Catch 22, Apocalypse Now dans le rôle du capitaine Willard, Dead Zone, Wall Street dans le rôle de Carl Fox, Arrête-moi si tu peux dans le rôle de Roger Strong, Les Infiltrés dans le rôle d'Oliver Queenan, The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros dans le rôle de Benjamin Parker, et la série télé à la Maison Blanche dans le rôle du président Jed Bartlett. 1950, naissance de John Landis, réalisateur américain, connu pour avoir réalisé les Blues Brothers ainsi qu'Un prince à New York, Le flic de Beverly Hills 3 et les Blues Brothers 2000. 1958, naissance de Lambert Wilson, acteur français, vu dans La Boom 2 dans le rôle de Félix Maréchal. On connaît la chanson Jet Set, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions dans le rôle de Mérovingien, Palais Royal dans le rôle du prince Arnaud, Babylone AD sur la piste du Marsupilami dans le rôle du général Pochero ou encore dans Barbecue. 1959, naissance de John McGinley, acteur américain vu dans Platoon, Wall Street, né un 4 juillet, Point Break Extrême Limite dans le rôle de l'agent du FBI Ben Harp et surtout connu pour son rôle du docteur Perry Cox dans la série télé Scrubs. 1963, c'était la naissance de Tasmin Archer, chanteuse britannique, mais également celle de James Hetfield, chanteur-guitariste du groupe Metallica, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Nothing Else Matters. Extrait des Metallica. On continue. 1965, naissance de Vincent Perrault, animateur radio-télé français. 1967, naissance de Mathieu Kassovitz, acteur, réalisateur français qui a réalisé Métis, La Haine, qui lui a valu le César du meilleur film, du meilleur montage et du meilleur producteur. Assassin, Les Rivières Paupes, Gothica, Babylone AD. En tant qu'acteur, il apparaît dans la plupart de ses films. Métis, on a pu le voir également dans Regarde les hommes tombés dans le rôle de Johnny, qui lui a valu le César du meilleur espoir masculin. La Haine, La Cité des Enfants perdus, Assassin, Le cinquième élément, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, Munich de Steven Spielberg dans le rôle de Robert, dans Valérian et la cité des mille planètes et dans la série télé Le bureau des légendes dans le rôle de Guillaume de Bailly dit Malotru. 1974, naissance de Justin Kurzel, réalisateur américain qui l'on doit Macbeth en 2015 ou encore l'année d'après Assassin's Creed. 1977, naissance de Tom Brady, joueur joueur de football américain qui est l'un des meilleurs quarterbacks de l'histoire de la NFL. Il détient le meilleur palmarès de la Ligue avec 5 Super Bowls remportés, dont 4 en étant élu meilleur joueur du match en 2001, 2003, 2015 et 2016 en 8 apparitions. Nommé 3 fois meilleur joueur de la saison en 2007, 2010 et 2017, il a permis à son équipe de remporter 15 titres de division AFC Est, ce qui constitue d'ailleurs un record. 1979, naissance d'Evangeline Lilly, actrice canadienne, connue pour son rôle de Toriel dans Le Hobbit, la désolation de Smaug et Le Hobbit, la bataille des 5 armées. Son rôle de Hope Van Dyne dans Ant-Man, ainsi que Ant-Man et la Guêpe actuellement au cinéma. Et elle reprendra d'ailleurs ce rôle dans Avengers 4, sortie prévue pour l'année prochaine. Et on l'avait surtout découverte dans la série Lost, Les Disparus, dans le rôle de Kate Austen. 1983, naissance de Christophe Willem, chanteur français. 1985, naissance de Constance, humoriste française qui a participé à On ne demande qu'à en rire. C'est également l'année de naissance de Brent Kutzel, musicien américain du groupe One Republic, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Apologize. Got me 10 feet off the ground, and I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, voilà pour l'extrait donc des One Republic. 1986, naissance de Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline de Monaco, personnalité du monde de la mode, cavalière et journaliste monégasque. 1991, naissance de Priscilla Nieto, judokate française, vice-championne olympique pardon, lors des JO de 2012, championne d'Europe en 2017 et avant ça, elle avait remporté une médaille d'argent en 2016. 1992, naissance de Carly Close, mannequin américaine. 1994, naissance de Corentin Tolisso, footballeur français, professionnel depuis 2013. De 2013 à 2017, il a joué à l'Olympique Lyonnais. Depuis 2017, il joue au Bayern Munich. En 1954, décédée Colette, romancière française, présidente de l'Académie Goncourt, à qui l'on doit Claudine à l'école, la maison de Claudine, Sido ou encore Gigi. En 1983, décédée Caroline Jones, actrice américaine, connue pour le rôle de Morticia Adams dans la série télé La Famille Adams. Et en 2010, décédée Bobby Ebb, chanteur et compositeur américain. Allez, petite pause avec Christophe Willem et l'un de ses derniers titres intitulé Rio. J'ai l'art de me défiler, je passe toujours à côté, je collectionne les actes manqués, j'aurais dû oublier. Même si Christophe Willem sur le 107 FM, un peu plus de 8h49. Et il est temps pour nous de parler météo. La météo. Bon bah ce sera une journée ensoleillée hein, encore aujourd'hui et tout ce week-end, même si samedi il se pourrait qu'il y ait des orages sur les sommets vosgiens et ça se transformerait plutôt en quelques averses de pluie pour samedi après-midi, ce qui franchement ne ferait pas de mal, mais les températures resteront toujours aussi élevées. Aujourd'hui, des températures comprises entre 20 et 21 degrés ce matin, entre 33 et 35 degrés pour cet après-midi. Pour samedi, entre 20 et 21 degrés le matin, entre 32 et 33 degrés l'après-midi. Et pour dimanche, entre 20 et 21 degrés le matin et entre 30 et 32 degrés prévus pour dimanche après-midi. Et ça ne va pas s'arrêter là. Allez, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Un mot de cyclisme avec le Critérium de Dijon hier soir qui a été remporté par Julien Alaphilippe. En football, en Europa League, Bordeaux s'est imposé 2-1 face au club de Ventspils. Bordeaux est donc qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. En Ligue 2, ce soir, Metz reçoit Orléans et Nancy se déplace au Paris FC. En tennis, à Los Cabos, il n'y a plus de Français en compétition après l'élimination de Manarino en 2-7 face à Norris, 6-4-6-4. Et à Washington, plus de Français non plus, puisque Lucas Pouille s'est incliné en 3-7 face à Kudla, 7-5, 6-7, 7-6. Et à noter que le duel fratricide entre Alexander Zverev et Misha Zverev a été remporté par Alexander Zverev, hein, le mieux classé des deux. Un mot avec le Blink Festival hein, qui se déroule en Norvège, hein, comme tous les étés au mois d'août. Véritable fête du ski nordique. Hier, c'était la fameuse montée de Lisbeth. Alors, pardonnez-moi si je prononce mal, mais je n'ai pas fait norvégien. Avec un pourcentage de 8,5%, le premier Français a terminé 6e. Et à noter qu'Adrien Backscheider, lui, a terminé 8e. Et un dernier mot avec la natation. Débutent aujourd'hui les championnats d'Europe. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec le chanteur Bobby Hebb. Et le titre pour lequel il est connu mondialement, c'est Sunny. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Smile upon your face, sunny. Thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny. Days are here, my sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you.